cheminée au lendemain d'une guerre. Des prisons, les hommes tous revenaient. J'ai grandi à l'abri de la misère, aux côtés de ma mère qui m'aimait. Merci ma mère pour ce que tu donnes. Adieu ma mère, pardonne. J'ai pris de la vie tout ce qu'elle me donne. Je pense à ces gens qui n'ont personne. Qui n'ont personne. Et plus tard, j'ai eu beaucoup de chance, voyageant aux quatre coins du monde. Je mêlais les rires, les chants et la danse, emporté dans une folle ronde. Merci l'ami, j'ai trop voyagé. J'attends ma fille à aimer. J'ai pris de la vie tout ce qu'elle me donne. Je pense à ces gens qui n'ont personne. Qui n'ont personne. Quelque part, des enfants se souviennent que leur mère souvent les a cachés. À présent, ils n'ont que de la haine pour ces hommes qui cherchent à s'entretuer. Merci à ceux qui ont refusé d'être engagés à tuer. J'ai pris de la vie tout ce qu'elle me donne. Je pense à ces gens qui n'ont personne. Qui n'ont personne. Qui n'ont personne.